Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 février au centre Zen de Liège et nous allons parler des... enfin on va essayer de parler des trois portes de libération et nous avons déjà écrit à l'avance en fait. La première porte c'est... Shunyata, c'est le vide, la vacuité. Et la deuxième porte, Animita. On dit que c'est l'absence de signe ou la non-forme. L'absence de signe, la votum. Et la troisième, c'est apranihita. Apranihita, c'est la non-poursuite, l'absence de but. Bonui. Bonui. En vietnamien. Et apparemment, c'est moi qui commence. Et quand on parle du vide, on parle toujours du vide de quelque chose. Parce que souvent, on emploie le mot vide. Je me sens vide, ou c'est vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas ce que ça veut dire en fait. C'est comme la pleine conscience, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. Et le vide, c'est toujours le vide de quelque chose. Il suffit de prendre le verre de thé. Est-ce qu'il est plein ou est-ce qu'il est vide? Qui sait? Est-ce que quelqu'un sait? Il est vide de thé. Comment? Il est vide de thé, en tout cas. Oui, très bien. Personne n'a dit de bêtises. Oui, mais il est plein de quoi? De l'air. Bon, j'ai essayé de piéger mon fils avec cette histoire quand il avait 15 ans. Eh bien, ça n'a pas marché. Il ne s'intéresse pas du tout à ça, mais il savait répondre à ça. Et il m'a dit la même chose. Je croyais être malin, mais non. On a dit que lorsque l'on contemple une fleur, quand je contemple une fleur, je suis la fleur. Quand je bois un thé, je suis le thé. Quand j'observe ma respiration, je suis ma respiration. Pas suivre, hein, être, dans ce cas-là. Du verbe être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... on ne peut pas séparer les choses. Lorsqu'on fait quelque chose, on est toujours pris par quelque chose. Si on est perdu dans nos pensées, nous sommes les pensées, nous sommes la perdition. Si on est pris par la colère, nous sommes la colère à 100%. Mais si on est paisible, nous sommes la paix à 100% aussi. Le vide, ça veut toujours dire le vide de quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est aussi le soi. Vide d'une identité séparée. On n'existe pas sans les autres. On n'existe pas sans l'environnement autour de nous. Si maintenant je dis je contemple la fleur, je suis la fleur, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de fleur. Il faut qu'il y ait une fleur pour que la fleur soit vraiment là. On ne peut pas dire qu'il y a une non-fleur. Une non-fleur. Non. Entre nous, entre les objets, entre tous les êtres vivants, entre tout l'environnement autour de nous, il y a des liens, il y a des échanges. Si on regarde nos mains, il y a nos parents, il y a nos grands-parents. Mais il y a aussi nos enfants, nos descendants. Nous avons souvent une énergie d'habitude qui nous mène à penser que quand on ressent quelque chose, c'est vrai, c'est la vérité pure. C'est moi, je suis moi. Et je souffre. Et on oublie que il y a des liens qui donnent cela, des racines, des nourritures. Et on donne une identité particulière à notre propre personne, à notre colère, à notre tristesse. On donne une identité, c'est automatique, c'est très naturel en fait. Et quand on est comme ça, on ne pratique pas le vide. Pratiquer le vide, c'est voir qu'il n'y a pas d'identité séparée du reste du monde. Et plus loin que ça. Nous sommes toujours la continuation de quelqu'un, de quelque chose. Et toujours en relation, en amont, en aval. C'est un flux. Thaï a résumé le vide par un seul mot. Le vide, c'est écrit là-bas. Le vide, c'est l'intérêt. On ne peut pas être ou non être tout seul. C'est toujours en lien avec quelqu'un d'autre ou avec quelque chose d'autre. Le vide, c'est pas une idée, c'est pas une théorie. C'est une pratique. À chaque fois que on veut toucher cela, il suffit de s'arrêter, de s'asseoir un petit moment. Et si je prends le verre de thé, si je mets du thé dedans, on peut très bien voir l'étayer, les nuages, la pluie. On peut très bien voir les personnes qui cueillent le thé. Si on enlève une seule chose de cela, on ne boira pas le thé. C'est très simple. Si j'ai une colère très forte contre quelqu'un, ce quelqu'un peut être moi-même d'ailleurs, on a tendance à dire ah, celui-là ou celle-là est responsable de ma colère. Oui, on fait une discrimination. c'est celui-là, c'est celle-là, cette personne-là, la responsable. Et on oublie de voir complètement quels sont les liens qui ont créé tout ça. J'ai fait l'expérience à la maison, quand une colère ou simplement un énervement avec ma femme. Et autrefois, je m'énervais. Je suis quelqu'un de très nerveux, vous savez, et je peux réagir très vite. Et autrefois, nous avons nourri cela et tout de suite, j'ai dit, c'est toi la coupable, c'est de ta faute, parce que je lui donne une identité séparée, aussi bien à elle qu'à la colère. On avait oublié la pratique. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Oui, des fois, on peut être agacé, énervé, on ne sait pas trop pourquoi. Et alors là, c'est le bon moment pour s'asseoir. Et avant de dire « c'est toi », alors, on va respirer un peu, hein, au moins 7 fois. Multiplié par 3, ça fait 21. Et multiplié par 3 encore, ça fait beaucoup de temps. Et tout à coup, je vois la source de la colère. Et je vois en moi que je suis responsable en grande partie de tout ça. Et si on prend le temps de regarder profondément, ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin. On va savoir pourquoi. Ce jour-là, on est énervé, tout simplement. Et c'est pas forcément à cause de l'autre personne. L'autre personne, c'est seulement une condition parmi tellement d'autres. Etaï avait expliqué une fois très bien ce sujet. Quand votre mari ou votre épouse rentre du travail, il peut être fatigué, il peut être lui-même énervé ou elle-même, avoir des raisons, la journée s'est pas bien passée. Et c'est vrai que la première réaction, souvent, c'est on prend cette tension et on la renvoie dans les deux sens. Et on donne vraiment une identité à cela. Ça devient la chose la plus importante. Et la guerre arrive dans la maison. Et Thay nous a enseigné une bonne méthode quand on est à la maison. Et c'est quelque chose que je peux faire tout le temps maintenant parce que je ne travaille plus, moi. Quand ma femme rentre, surtout si je sens qu'il y a de la tension, je dis rien et je fais chauffer de l'eau et je prépare quelque chose à boire en silence. C'est un bon moyen de pratiquer le vide. Et je dis, est-ce que tu veux boire un thé? Innocemment, quoi, comme ça. Oui, mais c'est important. C'est quelque chose qui permet de relâcher. Ça nous est arrivé souvent de faire le contraire. Hein. Et d'avoir beaucoup de colère. Pourquoi? Pour rien du tout, en fait. Pour des raisons complètement inexistantes. C'est parce que nous nous donnons une identité C'est le problème. Le vrai problème, c'est ça. Je suis moi. Moi, je suis moi. Et je suis meilleur que toi. Voilà. C'est souvent ça, en fait. Et c'est très concret, hein, dans la vie de tous les jours. La méditation s'applique dans la vie de tous les jours, à tout moment. Et les meilleurs moments, c'est quand ça ne va pas. Quand on sent que ça ne va pas, alors il faut commencer à pratiquer tout de suite. Quand tout va bien, tout est beau, tout est rose, on dit, waouh, je pratique bien, c'est merveilleux, tout ça, mais ce n'est pas vrai. La vraie pratique commence quand ça va mal. Et c'est difficile. C'est difficile de se regarder et de dire, ah oui, finalement, c'est moi le responsable. C'est moi là. C'est moi qui apporte la peine à l'autre. Oui, c'est difficile. Mais c'est une pratique et c'est un entraînement qu'on peut réaliser très facilement, un petit peu tous les jours. Nous avons l'idée d'un soi. Nous sommes sûrs que nous sommes là, vraiment là, unique. C'est vrai, au village, il y a une chanson qui dit ça. Moi, je suis unique. Ça doit être une erreur. Et quand l'autre nous fait une remarque, on est blessé. On est blessé. Notre amour-propre a subi une blessure. Parce qu'on a oublié que nous ne pouvons pas exister tout seuls. Le vide, c'est le vide d'un soi séparé. C'est ça le vide. La vacuité, c'est la liberté. Et le meilleur mot, c'est Thaï qui l'a dit, c'est l'inter-être. Nous ne pouvons pas être par nous-mêmes. Tout seul. Nous avons besoin de l'autre, des autres. Il y a très longtemps, peut-être plus de 30 ans en tout cas, Thaï avait décrit cela en parlant d'une table en bois. Il avait dit, si vous enlevez un seul clou de cette table, la table n'existe pas. Elle ne sera pas là. Ou simplement, vous enlevez la pluie, elle ne sera pas là. Parce que les arbres ne sont pas là. C'est des choses très faciles à comprendre. Mais c'est des choses qu'il faut pratiquer. Si on est pratiquant, il faut s'asseoir de temps en temps. Et on peut prendre n'importe quoi. On peut prendre le livre. C'est aussi dans un des enseignements de Thaï autrefois. La feuille de papier, il a dit ici. Dans la feuille de papier, le cosmos est là. Si vous enlevez quelque chose de là-dedans, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est une pratique. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au cosmos, mais on prend une feuille de papier et on peut voir l'arbre, ou l'eau, ou l'air. C'est un petit entraînement comme ça, une pratique. Il faut rapporter cela au fonctionnement mental. Le jour où on sent qu'on a une colère contre quelqu'un, alors avant d'être en colère, je propose qu'on s'arrête et qu'on respire tranquillement et qu'on regarde qu'est-ce qui a donné cette colère. C'est quoi? Parce que la colère n'existe pas toute seule. Elle existe parce qu'il y a des racines, il y a de la nourriture. Et il y a beaucoup de conditions pour qu'elle soit là. Et peut-être la dernière condition, c'est nous-mêmes. Et c'est là le moment, la chance de stopper, de ne pas ajouter la dernière condition et de regarder en profondeur dans notre cœur. Même si on pense que c'est juste ce jour-là d'être en colère, on dit « oui, j'ai une raison valable ». Oui, eh bien, je pense que c'est là vraiment où il faut s'arrêter. Parce que la raison n'est peut-être pas aussi valable que ça. Bien sûr, on ne demande pas qu'on réussisse tout de suite. Il faut expérimenter. Il faut essayer, c'est tout. C'est un chemin et c'est cette direction, c'est en même temps la pratique. Si on le fait à chaque fois, on est déjà arrivé. Même si ça ne marche pas tout de suite, ça ne fait rien. On parle souvent de la colère, parce que la colère, c'est une énergie destructrice, aussi bien pour l'autre que pour soi-même. Et c'est quelque chose qui nourrit fortement l'idée du soi, cette idée qu'on existe tout seul, on est vraiment là, très fort. Et on oublie qu'on est soumis à quelque chose qui s'appelle l'impermanence. Et ça va changer. Si nous sommes des pratiquants du village des Pruniers, dans l'enseignement de Thaï, il y a un petit gatha qui dit ceci, à peu près. Hein, lorsque je sens la colère en moi, que je suis en colère, je me pose cette question, quel sera mon visage dans 300 ans ? Normalement, ça relativise pas mal de choses. 300, c'est beaucoup, donc... 50 ans. Quel sera le visage de ma colère dans 300 ans? Dans 300 ans, quel sera votre visage? C'est ça. Et... ces choses-là, on n'explique pas trop. Il faut laisser. Chacun doit prendre ça et s'asseoir et regarder en profondeur. C'est le travail du pratiquant de la pleine conscience. Et quand je suis en colère, je suis pleinement conscient de ma colère. On peut prendre n'importe quoi, la tristesse, le désespoir. C'est les choses les plus difficiles. Parce que si on prend la joie, le bonheur, tout ça, c'est trop facile. Il y a en nous quelque chose qui nourrit et qui renforce sans cesse l'idée d'un soi séparé. Je vais voir si vous savez, je vais vous jouer à une devinette. Et avant, on va écouter un petit son de cloche. Et je vais vous dire qui je suis. Mais sans vous dire mon nom, faut trouver le nom. Et je suis celui qui recherche constamment le plaisir, tout ce qui est agréable. Est-ce que vous savez qui c'est? Ah, il ne faut pas le dire tout de suite. Non, mais c'est bien, oui, c'est ça. Je suis celui qui recherche le plaisir. Et je suis celui qui évite à tout prix la souffrance. Et j'ignore les dangers inhérents au plaisir. Et j'ignore aussi les bienfaits que peut apporter la souffrance. Et j'ignore totalement la loi de la modération. Et sans cesse, je cherche à obtenir, à m'approprier les choses, à m'accaparer tout. Et c'est ça, c'est le manas. Le manas, c'est la septième conscience. Et c'est lui qui forme le soi, qui nous donne cette idée que nous existons tout seuls. C'est lui. Dans la psychologie bouddhiste, il est placé entre le mental et la conscience du tréfonds, Alaya. Quand on touche une graine dans la conscience du tréfonds et qu'elle monte, elle passe par le manas. Et systématiquement, le manas va la renforcer dans le sens que ça existe vraiment, tout seul. C'est un filtre qui va voiler la réalité. Et quand ça arrive dans notre conscience mentale, on croit que ça, c'est la vérité. Et on ne voit pas du tout les liens qui donnent ça. L'interdépendance, l'inter-être. C'est le fonctionnement d'après la psychologie bouddhiste. Mais si on revient aux choses très simples, c'est facile à comprendre. Quand on fait quelque chose, quand on se lave les mains, on peut très bien voir d'où vient l'eau, de la source. L'eau ne vient pas du robinet seulement, comme par miracle. Nous savons tous que l'eau vient des sources ou de la pluie. Mais nous avons une grande capacité de l'oublier aussi. Et la pratique, c'est qu'à chaque fois qu'on se lave les mains, en une seconde, on peut savoir que l'eau vient de la source, mais pas du robinet. Le robinet, ce n'est qu'une condition, parmi d'autres. C'est vraiment important de savoir ça et de le faire. C'est ça le vide. Thay nous a souvent enseigné que nous ne venons pas de rien, on ne naît pas de rien. Au minimum, il y a nos deux parents. Et tout le monde le sait. Et quand on va partir, vers où on part ? vers la vie, nous partons vers la vie. Parce que ça ne s'arrête pas vraiment, en fait. Les formes changent, mais le fond reste le même. Cette théière, elle est pleine de thé. Et si je la casse, je vais la jeter contre une pierre. Elle va se casser. Et le thé va partir. Mais quand le thé va partir dans la terre ou sur le sol, ce sera toujours du thé. Et sa forme va changer, mais ça ne s'arrête pas. Ça, c'est des choses qu'il faut essayer de pratiquer, qu'il faut voir. En prenant des choses faciles comme ça. L'eau, le thé, les mains, le papier. Et après, on aura de l'énergie pour aborder ce qui est difficile en nous. La souffrance, le désespoir, la tristesse, la colère, parce que c'est la même chose. La colère, ça peut être un verre de thé, la souffrance, une feuille de papier. Il y a des racines, il y a des conditions, beaucoup de conditions. Et il y a toujours quelque chose qui nourrit cela. Et c'est souvent, et c'est toujours lié à cette idée que nous pouvons exister tout seuls. L'idée du soi séparé. La vacuité, le vide, la vacuité, c'est la liberté. On n'est pas au niveau du mental, on n'est pas freiné, accroché par quelque chose. Quand quelque chose arrive, on le sait, mais on n'est pas pris par ça. On est toujours libre pour autre chose, et ainsi de suite. Si parmi vous, il y a des gens qui font les arts martiaux, ils savent très bien. Surtout si un jour, ils ont eu affaire à une situation difficile. Comme un chien fou furieux qui vous saute dessus, par exemple. À ce moment-là, il faut être libre. Sinon, vous allez être mangé. Si la peur arrive avant le chien, alors c'est foutu. Parce que le chien, il va vous manger, et avec la peur aussi. Vous serez mangé deux fois, en fait. Il me semble que j'ai déjà raconté ça, l'histoire du chien. C'est une fraction de seconde, pas plus. Il n'y a pas de temps pour... la décision, pour la réflexion. Non, il n'y a pas le temps du tout. Il faut être libre. La liberté, c'est ça. Et c'est ça le vide. À ce moment-là, je n'existe pas tout seul. Ça, je le sais bien, parce que le chien, il arrive. Et lui, il ne se pose pas cette question-là. C'est un exemple très concret, vous savez. Mais le chien, ça peut être notre colère. Et quand la colère arrive, elle arrive très vite, comme le chien. Une fraction de seconde. Parce que souvent, la colère, ce n'est pas une graine dans le tréfonds, dans l'alaya. C'est une fleur qui est déjà épanouie, qui est déjà là, mais on ne s'en rend pas compte. parce que on a l'habitude de ça, on a l'habitude d'être comme ça. Et oui, c'est une fraction de seconde, la colère. C'est explosif. Tout à fait possible. Et c'est très souvent, en fait. Et donc, quand on est un pratiquant avec un peu d'expérience, d'expérimentation, alors peut-être la fraction de seconde suffira pour s'arrêter, pratiquer l'arrêt, revenir à soi et observer la colère. Peut-être elle nous mordra quand même. Bon, c'est fini pour moi. Ils m'ont dit, vas-y, parle longtemps. Et non, je vais leur laisser la chance. Nous allons écouter un son de force pour être imprégné de vide. C'est l'occasion pour moi de rappeler dans l'enseignement de Thay une des portes de la libération, c'est la non-forme, l'absence de signe, animita. C'est une autre facette du vide. Donc, tous les trois portes de libération sont interdépendantes. Donc, si on parle du vide, automatiquement, on va parler de la non-forme et de la non-poursuite. Cet enseignement sur l'absence de signe, sur la non-forme, se trouve dans le sutra du diamant. Voilà, dans ce sutra du diamant, le Bouddha dit que si on veut trouver le Bouddha, dans la forme, dans le corps du Bouddha, on ne trouve pas le Bouddha. Je vais lire la citation complète, comme ça sera plus clair. Dans le sutra du diamant, le Bouddha demande, Subhuti, c'est un disciple du Bouddha, crois-tu qu'il soit possible de saisir le Tathagata, c'est-à-dire la nature de Bouddha, au moyen de signes corporels. Et Subhuti répond, non, honoré de par le monde, quand le Tathagata parle de signes corporels, il ne parle enfin d'aucun signe. Voilà. Et le Bouddha a dit aussi, si vous pouvez voir la nature dépourvue de signes, des signes, vous pourrez voir le Tathagata. Si on voit une certaine forme, grâce à notre perception, on voit une certaine forme, une certaine signe. Mais si on veut aller au-delà de notre perception, voir ce qui est derrière la signe, ce qui est non-signe, à ce moment-là, on approche la porte de la libération. Une autre citation dans le Sutra du Diamant. Là où quelque chose peut être distingué par des signes, il y a tromperie. Voilà. Donc, et le Bouddha a cité quatre sortes de tromperies souvent que nous sommes commis souvent. Je vais noter sur le tableau. Il y a quatre apparences ou quatre signes. Le premier, c'est le soi, là où Jean-Pierre a beaucoup parlé, ou le moi. Le deuxième, c'est la notion ou l'apparence de l'être humain. La troisième, c'est la notion d'être vivant, l'apparence d'être vivant. Et la quatrième, compris souvent, c'est la durée de vie. Tout ça, le Bouddha a expliqué dans le Sutra de Diamant et Thaï a donné beaucoup d'explications aussi. Et ici, je n'ai que répété dans ce genre de Thaï. Voilà, c'est l'occasion pour nous de célébrer ensemble l'enseignement de Thaï. Donc, la première notion, le soi, le moi. Jean-Pierre a beaucoup parlé, donc moi je suis ici, j'ai mon apparence et parfois on s'arrête à notre apparence à un certain âge, tout ça, et on ne sait pas aller au-delà. Si on peut aller au-delà, moi je suis vietnamien, il y a le pays, il y a mes parents, il y a des ancêtres, tout ça. Et la relation est beaucoup plus fluide, si on peut aller au-delà de l'apparence dans certaines choses. Un exemple de qu'on peut franchir cette apparence, c'est-à-dire par exemple dans le bureau, par exemple, dans le milieu du travail, si y a un collègue qui a des promotions ou qui a un poste mieux que nous, à ce moment-là, si je sens séparé de lui, je serai jaloux. Voilà. Pourquoi lui et c'est pas moi? Par contre, si on apporte ce port de libération, qu'il n'y a pas de séparation entre moi et lui, on est toujours dans la même équipe, on est toujours animé par le même énergie de vie. Là, il y a moins de jaloux et un peu joui de sa promotion, par exemple. Voilà. Une des applications de cette notion, aller au-delà de moi-même. La deuxième tromperie, c'est l'être humain. Voilà, on est humain, on a trois. Qu'on est supérieur aux autres, aux animaux, au plan vivant et tout ça. Et c'est comme ça qu'on tue les animaux, on détruit l'environnement. Donc, être humain, donc c'est l'interdépendance. Ça découvre aussi de la notion de vacuité, l'interdépendance. On est interdépendance avec les plantes, les animaux, le soleil et tout ça. Et quand on dépasse toute cette séparation entre être humain et les autres, les animaux, il y a l'harmonie. L'être humain crée un monde de souffrance pour les autres. Et on voit aussi, c'est heureusement, il y a l'évolution dans notre monde moderne. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour les animaux, pour le bien-être des animaux, tout ça. Donc c'est aussi un signe très positif. Donc ça, c'est la tromperie de l'être humain, la supérieur de l'être humain envers les autres. Et il y a une autre tromperie, c'est sur les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux et différents de la pierre, tout ça. Les choses qui n'est pas vivant, on croit que ce n'est pas vivant, mais au fond c'est vivant. Dans la terre, il y a ça trouille des êtres vivants. Donc c'est être vivant est différent des êtres animés, différent des êtres non animés, voilà, la pierre, la terre, la montagne, tout ça. Donc si on peut aller au-delà de cette notion, à ce moment-là, ça approche l'écologie. Nous sommes heureux avec le monde aux alentours. Donc les trois apparences, soit être humain, être vivant, si on transcende ces trois notions, on peut avoir une vie harmonie, paisible avec nos entourages. La quatrième notion, c'est la durée de vie. Voilà, notre durée, on croit qu'on l'est né, et on va mourir 60, 80, 100 ans. La durée de vie de l'être humain ou de tout ça sont fixées, sont limitées. Et le Bouddha a proposé d'aller au-delà de cette notion de durée de vie. Donc, c'est-à-dire quand nous sommes composés de différents éléments, quand les conditions n'est plus, on est éclaté et ces différents éléments vont continuer à vivre le puits. Et quand nous transcendons cette notion de durée de vie, nous sommes plus paisibles avec le décès de nos proches, par exemple. La personne est décédée, n'existe plus sous cette forme-là, mais elle existe sous une autre forme. Ses pensées, ses projets peuvent continuer en nous. Nous pouvons aussi continuer le projet. Voilà. La personne peut-être est toujours, ses sentiments sont toujours avec nous. Il y a des continuations, il y a la transformation des choses. Donc, quand on dépasse cette durée de vie, l'idée de durée de vie, on approche la non-peur de la mort. Face à la mort, face à la maladie, on est plus paisible. Et ces apparences, ces signes, on ne peut transcender que par la pratique. Par exemple, en écoutant la conférence, en lisant les livres de Thaï, peut-être intellectuellement, on a compris, mais dans la vie quotidienne, notre comportement réagit comme si nous sommes séparés des autres. Voilà, on est toujours supérieur aux animaux. Voilà. Ou bien on a peur de la mort parce qu'on ne sait rien après, par exemple. C'est pour ça que la pratique est toujours importante. Ça nous insiste de pratiquer, parce que sans la pratique, c'est-à-dire sans l'arrêt, sans la concentration, nous ne pouvons pas développer une vision pour pouvoir intégrer tous ces enseignements sur les trois portes de la libération dans notre vie quotidienne. C'est pour ça que dans le sutra, le cœur de la sagesse, le premier paragraphe est très important. Le Bodhisattva Avalokiteshvara, pratiquer profondément, intensément la sagesse qui est aller au-delà. Voilà, c'est-à-dire, il doit pratiquer intensément. Ce n'est pas de temps en temps venir au dojo quand je n'ai rien à faire qui va vous permettre d'approcher de ces trois portes de la libération. Donc, on va pratiquer intensément. Voilà, l'occasion pour nous, la journée, de pratiquer intensément. Et pratiquer intensément quoi? La sagesse profonde, la sagesse aller au-delà. Et cette sagesse-là est représentée par toutes les techniques, les enseignements que Thay nous donne, la respiration consciente, la mindfulness méditative, le repas en pleine conscience. Voilà. Et justement, cette journée-ci nous permet de pratiquer intensément pour pouvoir pénétrer les trois portes de la libération. La non-forme, non-signe, l'apparence est aussi appliquée à la pratique et Thay nous insiste pour qu'on arrive à la notion pratiquer la non-pratique, voilà, pratique du non-pratique, c'est un peu difficile parce que comment on peut pratiquer sans pratiquer. Thay a quand même donné quelques exemples. Par exemple, quand je participe à une retraite, le matin, je me lève très tôt parce que je dis, oui, j'ai payé cher pour venir pratiquer. je ne peux pas dormir le matin quand la cloche sonne pour venir méditer. Donc, quand la cloche sonne, je dois tout de suite le premier. Aller à la méditation pour s'asseoir, pour que ça vaut bien la peine. Et pendant la méditation, si je suis fier, je suis dit, oh, je fais un effort tandis que les autres dorment encore. Alors, à cela, ça a dit que ce n'est pas la pratique de non-pratique. Par contre, si je dis, voilà, je fais un effort, je pratique. Et même mes frères, tout ça dort, je pratique pour eux. Et à ce moment-là, on rapproche de pratiquer la non-pratique. Ou bien, tu as donné un exemple, par exemple, pour le service à la communauté, quand on travaille beaucoup, on fait on cercle, on travaille sur tous les plans par une requête, je suis toujours là, je fais ceci, je fais cela. Et après, quand je vois un autre responsable qui ne fait rien, je vais m'énerver. Là, Thay a dit, ce n'est pas la pratique de la non-pratique. Par contre, si je fais toujours l'effort pour être là où il faut et que je suis toujours heureux, sans jugement aux autres, j'approche la pratique de la non-pratique, c'est-à-dire je pratique la non-forme. Voilà. Un autre exemple, quand je suis allé au village des premiers, les premières retraites, je trouve que manger en silence, masser 15 fois à gauche, 15 fois à droite, et après, pendant que je masse, je dépose les baguettes, les cuillères, les couverts sur table, c'est très bien. Et quand je rentre, je vais appliquer Et même dans les repas familiales, quand les autres parlent, tout ça. Je l'applique à fort et ça ne crée pas de l'harmonie avec, avec ma femme, les enfants, les petits-enfants, par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai attaché au fort. Et plus tard, j'arrive à trouver la pratique de la non-pratique. Voilà, au lieu de manger comme là, puis la dernière, je pars aux petits-enfants, je prends une carotte, je dis, voilà, j'ai l'occasion d'aller au retraite. Et là-bas, avant de manger une carotte, on leur regarde la carotte, on part avec les carottes, et ça fait rire aux enfants. Et quand je mange la carotte devient moi. Et la carotte, avant, elle ne sait pas parler, maintenant, elle rentre dans moi, elle sait parler. ça peut faire rire aux enfants. Donc, ça force la pratique de la non-pratique. Ouais. Donc, et cet enseignement nous enseigne une des pièces de cet enseignement, c'est qu'à dire comme on n'attache pas au fort, on arrive à non fort, à la non pratique du tout. Parfois les gens disent c'est la non pratique, donc on ne pratique rien du tout. Ça peut induire au paresse. Sous prétexte, parfois on est un peu fatigué, au lieu de faire des efforts pour venir méditer, non, maintenant je non pratique, je me repose. Donc, il y a aussi une pièce qui fait qu'on laisse aller. Voilà. Je trouve que le non-fort, c'est bien, mais parfois, on doit respecter la forme. Cet enseignement, je crois que ça peut nous aider à respecter la forme, mais ne pas s'attacher aux formes. Par exemple, si dans l'enseignement de Thaï, il y a une façon de sonner la cloche, une façon de déposer la cloche et tout ça, et en tant qu'élève de taille, on doit respecter cette forme. Mais s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas cette forme, si je suis en colère en lui, si je suis continue à faire pas comme ça, ça signifie que je suis attaché aux formes. Dès qu'il y a une sensation de colère. Quoi. Par contre, si je dis, canon, voilà, taille m'a enseigné comme ça, si tu peux suivre l'enseignement de Thaï, tu dois respecter la forme. J'approche la porte de la libération, c'est-à-dire aller au-delà de la forme, hein, respecter la forme. Il y a d'autres pièces dans cet enseignement, c'est que qui peut renforcer mes mauvais caractères, mes défauts, par exemple. Je ne perds pas attaché aux formes, je m'appuie n'importe comment, toujours le même vêtement, et quand je suis allé à une soirée, je ne sens pas de vêtements, et ma femme dit, tu vas aller aux soirées, elle prend tes beaux vêtements, tout ça, voilà, ça peut renforcer, ça peut désharmoniser avec l'environnement. Donc, si je fais aller à une soirée, je dois avoir des vêtements convenables, des cravates, des vestons et tout ça. Quelles sont les pièges de cet enseignement? Une autre pièce aussi, quand j'ai l'occasion de travailler comme infographiste, par exemple, comme je n'attache pas au fort, donc si jamais c'est la mise en page. Donc, si je mets la photo à gauche, c'est bien pour moi. La photo à droite, c'est bien. Mais ça fait énerver un peu mes collègues parce que pour moi, tout est bien. Tandis que il faut, les autres sont fixés sur ça. Il faut y a l'exigence du métier qui fait qu'il faut respecter quand même les normes esthétiques de la mise en page et tout ça. Voilà. Et moi, tout va bien. Ça peut s'énerver, mes collègues. Ou bien quand c'est l'occasion de travailler sur la menuiserie, par exemple, voilà, pour faire une mortaise ou un tenon pour que les deux pièces s'emboîtent correctement. Pour moi, quand je fais tout légèrement incliné, ça va, mais quand je mets, ça ne marche pas, c'est toujours un peu pancal. Et moi, j'accepte ça, mais le professeur, non, tu dois refaire. Voilà. Donc, il faut, dans le monde relatif, parfois, il faut bien respecter les formes, hein, tout ça. Et le but de l'enseignement, c'est pour qu'on utilise, pour aller au-delà de la souffrance, qu'on attache, ça crée une certaine gêne, une certaine souffrance. Et cet enseignement-là nous permet d'aller au-delà pour qu'on se sente bien, on se rend heureux. Voilà. Et certaines personnes peuvent aussi utiliser cet enseignement pour satisfaire ses désirs, par exemple. Par exemple, moi, je dis que moi et Jean-Pierre, c'est la même personne. Toi, c'est moi, c'est toi. Donc, ta femme, c'est aussi ma femme. C'est catastrophe. Voilà. Peut-être c'est la base de la philosophie du club essentialiste. Mais dans un autre contexte, par exemple au Tibet, donc, les frères, tout ça, parfois ils ont la même femme, du fait que l'homme est plus nombreux que les femmes. Parfois au Tibet, dans certaines sociétés, les frères ont la même femme. Et peut-être cet enseignement permet qu'il n'y a pas de jalousie entre les frères. Donc, en résumé, Thay a donné cet enseignement et à la fin, il a aussi dit qu'il faut aller la non-forme, non-apparence, il faut aller non-apparence, toujours aller au-delà, ou bien le vide, la vacuité. Il faut toujours aller au non-vacuité, toujours aller au-delà. Maintenant, je laisse la place à mon frère. Bonjour tout le monde. Merci Jean-Pierre et Ken qui ont le courage de commencer à l'exposer sur les trois portes de libération. J'essaie de terminer en beauté par la troisième porte, la porte de non-poursuite, la porte de non-désir, non-but. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet plus concret que les deux premières portes, mais parfois ça provoque aussi quelques malentendus. Parce que certaines personnes disent que la non-poursuite, ça veut dire rien faire. Donc, c'est pas vrai. Mais, j'ai pour moi, c'est la première fois que je pars en tant qu'enseignant du dogma. Et j'ai quand même certaines appréhensions. Mais le sujet, celui-ci, sur la troisième porte, pour moi, c'est un sujet que je tiens à cœur. Parce que l'enseignement du Bouddha est immense et profond. Mais il y a certains points que, pour certaines personnes, c'est le point-là qui est intéressant. Et justement, pour moi, personnellement, c'est la troisième porte qui m'a vraiment marqué dans mon esprit. Et qui m'a beaucoup aidé pour mener une vie avec la légèreté. Et j'aime bien vous partager ma compréhension et ma pratique, et plutôt non-pratique de la troisième porte. Donc je vais commencer par vous dire ce que c'est, ce que ce n'est pas la troisième porte. Et puis, je vous donne la définition, ce que c'est la troisième porte de libération, ce que cela implique. Et pour illustrer ça, je vais vous donner quelques exemples, surtout de mon vécu personnel. Mais c'est plutôt des cons exemples. C'est-à-dire des choses, des petits que je fais, que je ne pratique pas la troisième porte. C'est-à-dire des cons exemples que vous ne devez pas faire la même chose que moi. Vous ne faites pas la même bêtise que moi. C'est le temps perdu. Et j'aime bien que vous gagniez le temps perdu, cet temps perdu-là. Parce que c'est très facile de dire que soyez toi-même. J'ai laissé ça quand j'étais adolescent. Mais ce n'est qu'à 60 ans que je pense réaliser ça et pratiquer ça réellement. Et tout ce temps-là, c'est le temps perdu, de l'énergie perdue. Et j'aime bien que vous ne commettez pas la même erreur que moi. La non-poursuite, le non-désir. Est-ce que ça vous dit qu'on est en un état d'inaction, passif, rien faire? On devient quelqu'un d'irresponsable. Non, ce n'est pas ça du tout. Parce que si vous pratiquez comme ça, et en tant que travailleur, vous recevez bientôt les C4 de la part de votre employeur. Jean-Pierre ne connaît pas très bien les C4 parce que ici, le C4, c'est une attestation de chômage. Et bientôt, vous trouvez... à l'époque où les recherches d'emploi. Donc ce n'est pas ça. Mais alors, la non-poursuite, le non-but, le non-désir, de quoi s'agit-il exactement? Que signifie cela exactement? Je peux résumer ça dans juste une phrase. La non-poursuite implique que nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Nous ne devons pas faire quoi que ce soit. Parce que nous possédons déjà ce que nous cherchons. Et nous sommes déjà ce que nous voulons être, ce que nous voulons devenir. La non-poursuite, ça veut dire, nous devons, ça veut dire, nous ne devons pas faire quoi que ce soit, parce que nous possédons déjà ce que nous cherchons. Et nous sommes déjà ce que nous voulons devenir dans l'instant présent. La première application de cette définition est là de s'arrêter. De toute notre vie, nous n'arrêtons pas à courir pour chercher, pour posséder quelque chose en dehors de nous-mêmes. Où nous s'efforçons sans cesse pour devenir quelqu'un. Nous acceptons très mal la nudité. L'insulte, la nudité physique, c'est déjà difficile à supporter, mais la nudité psychologique, c'est encore pire. Et nous n'arrivons pas, la plupart des gens, à avoir des accessoires pour peut-être pour meubler notre vie intérieure. Nous devons avoir des diplômes, une belle maison, un compte en banque bien garni, un bon mariage, un poste bien rémunéré, une position sociale, ou peut-être être un bon enseignant de dharma. Yes. Tout est possible. Mais dans la lumière de la troisième porte, il n'y a rien à faire. Viens à courir. Il faut s'arrêter. Parce que nous possédons déjà ce que nous cherchons. J'ai oublié. Je vais voir consulter mes notes pour voir ce que je dois. Parce que le seul moment important, c'est le moment présent. Dès qu'on arrête de respirer, on a déjà le bonheur, la sérénité, la joie. On dit souvent dans notre pratique, je suis chez moi. Je suis arrivé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous possédons déjà toutes les conditions possibles pour être heureux dans le moment présent. De mener une vie authentique dans le moment présent. Le passé est déjà fini, le futur n'est pas là. Le seul moment qui est important pour vivre, c'est le moment présent. Et dans les histoires zen, on cultive souvent des paradoxes. Un des paradoxes, c'est que le premier pas dans la voie spirituelle, et c'est le rempart, ce n'est pas de courir, mais de s'arrêter. S'arrêter pour être devenir, ou de savoir, pour savoir qui on est, pour savoir, pour être intime avec soi-même. À mon avis, la pire des choses qui peut arriver à un homme, c'est être un étranger avec soi-même. Il y a une fois, l'année passée, on reçoit les élèves ici. Et par les choses, je ne sais pas, les élèves qui nous rendent visite, parce que ce sont des journées interreligieuses et les élèves doivent visiter le dieu de Kun à Liège. Ils ont visité un centre bouddhiste, c'était dit ici, mais aussi une mosquée, un temple protestant et puis un temps orthodoxe dans une journée. Et dans la discussion, on parle de Facebook. Et j'ai dit aux élèves, est-ce que vous avez beaucoup d'amis dans votre compte Facebook? Elle dit, oui, j'ai des centaines, des milliers. Alors je le dis, mais l'important, c'est que vous devez être amis d'abord avec vous-même. Et ça festine dans l'esprit des jeunes. Et je suis vraiment très content qu'ils saisissent l'importance d'être intime avec soi-même. Donc, la première indication de l'art est s'arrêter. La deuxième chose, c'est que soyez vous-même, vous êtes beau, vous êtes belle, tel que vous êtes, sans faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que chacun de nous, nous avons la nature du Bouddha en chacun de nous. En technique, on appelle ça le bouddhéité. Un maître zen chinois, comment s'appelle-t-il? Lamte, en français, vous dites? Linji, du 9e siècle. C'est le début de notre lignée, parce que quand vous recevez, quand vous prenez les cinq entraînements, c'est marqué qu'on est le 40e ou 42e de la lignée de Linji. Et Linji a dit, quand vous pratiquez la voie, vous ne devez pas faire le vœu de devenir le Bouddha ou devenir un arhat, c'est-à-dire un saint bouddhiste. Ce que vous devez savoir, parce que vous êtes déjà le Bouddha et vous, ne sont pas deux. Le Bouddha et vous sont un. Comme la plupart de vous, de tradition catholique. Je peux dire que il y a une notion assez analogue dans le catholicisme. Dans la Genèse, Dieu a formé l'homme à son image, à partir de l'argile. Mais ce n'est pas tout. À partir de l'argile, il a soufflé pour donner vie à l'argile. Mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre corps n'est pas constitué uniquement de la matière, mais en nous-mêmes, on a le souffle de Dieu. On a la nature divine en chacun de nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? On est tous égaux. Bien sûr, la forme, comme Ken vient de dire, est différente. On est petit, grand, petit, grosse ou mince, jaune ou blanc. Mais au fond de nous, on a toute la nature du Bouddha, la nature divine en chacun de nous. On n'a rien à prouver d'autre. Mais je dois avouer que c'est très facile de dire ça, mais c'est difficile à le faire. Parce que ça demande une forte assertivité, une forte confiance en soi, pour être tel qu'on est, sans chercher d'autre. Sans chercher d'autres accessoires. il y a 3-4 jours, comme dit Somiak, je regardais une émission à la télévision sur Antenne 2, un complément d'enquête sur le sujet de la chirurgie esthétique. Et dans ce documentaire, on dit que récemment, ce n'est plus le public de ce parti-là, ce n'est plus des personnes âgées de 60 ans. Non, ce sont des jeunes qui prennent une part, grande part dans la pratique de chirurgie esthétique. Mais comment expliquer ce phénomène, ce phénomène? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que les jeunes, de 20, trentaine d'années, ils sont tous connectés sur les réseaux sociaux. Et là, ils ont vu que des influenceuses, avec les photos d'influenceurs, des belles femmes, selon les canons esthétiques extraordinaires. Mais tout le monde sait que maintenant, c'est comme dans les revues de mode, c'est les images, tout sont retravaillées. Donc, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de vraies personnes. Dans la réalité, ce sont des images transformées. Là, c'est mon vraie raison. Deuxième raison, c'est qu'on fait souvent les selfies. Et puis, dans les smartphones, il paraît, parce que moi, je n'ai pas de smartphone, donc je ne sais pas, mais il paraît que dans le smartphone, on a un programme pour travailler les images. Je suppose que c'est comme dans le Photoshop, on peut mettre des films pour améliorer notre image. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, du coup, ce que je suis et ce que je vois après mon image améliorée, une réalité, on appelle ça une réalité virtuelle ou augmentée, il y a un écart. Et on a des complexes pour de ça. Et les jeunes ont des complexes. Dans le documentaire, c'est une jeune femme, une infirmière d'une vingtaine d'années. Elle doit réparer le nez. Parce que le nez peut être trop long ou trop court, je ne sais pas exactement. Pour 3-4 000 euros. Mais il faut absolument, parce que c'est insupportable pour elle, avoir ce nez pareil. Je suis un peu triste d'apprendre tout ça. Quand on aborde la vie, on peut conjurer par trois verbes essentiellement. Le verbe paraître, le verbe avoir ou le verbe être. Est-ce que je conjugue souvent le verbe paraître? Est-ce que je dois paraître beau, belle? Ou est-ce que je dois avoir une belle voiture, une belle maison, une position sociale élevée, de belles robes, etc., etc. Ou être soi-même, tel que je suis? Il faut que chacun de nous fait un examen conscient pour voir des trois verbes. Qu'est-ce que vous conjurez souvent, le plus souvent? Paraître, avoir ou être? Maintenant, j'aime bien. Je dis que avec l'exemple de chirurgie esthétique, je suis assisté. parce que la personne, ces personnes-là, conjuguent avec le vrai paraître. Mais moi, je ne fais pas mieux que ça. Et bien vous raconter, vous... vous citez mon examen, plutôt qu'un examen, que vous ne devez pas faire. Pour pratiquer correctement le troisième pas. Et là, je conjugue le verbe avoir. Mais il faut que vous concevez d'abord le contexte. Je suis au Vietnam et le Vietnam se situe dans la sphère d'influence de la Chine. La même chose pour la Corée et le Japon. Et dans la Chine antique, une des trois courants principaux, c'est le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Mais surtout le confucianisme. Et dans le confucianisme, on met beaucoup l'importance sur les études, sur les examens. Parce que d'un jour au lendemain, un étudiant, en passant le concours d'État, il devient un mandarin. C'est-à-dire il n'est plus une simple personne ordinaire, un simple citoyen, mais il devient un ministre de l'État, ou l'équivalent, un gouverneur d'un province, etc. Donc, sur des milliers de personnes, ils ont le droit de vie ou de mort. Donc, c'est vraiment un moyen excellent, peut-être c'est le moyen pour la promotion sociale. Donc, dans des pays comme le Vietnam, les parents insistent beaucoup pour que les enfants fassent des études, réussissent des études. Et il y a des études faites récemment aux États-Unis. Et on a trouvé ça, que les enfants des Asiatiques ont vraiment fait de très bonnes études, parce qu'ils sont formés comme ça. Et revenons à moi maintenant. Et je suis baigné dans cette courant-là, dans cette pression-là. Et mes frères et sœurs, ils sont très doués, ils font vraiment de très bien études, et je suis vraiment, comment on appelle ça, les... Mouton noir. Mouton noir, oui, je suis vraiment pas doué pour ça. Mais sous la pression, parce que si je ne fais pas comme eux, je vaux rien, je suis bon à rien. Il faut absolument que je dois faire des études, avoir des diplômes. Donc, docilement, j'ai fait comme eux pour avoir des diplômes. Et puis une fois l'obtenir, je me demande, est-ce que je suis plus intelligent? Est-ce que je suis plus heureux avec ça? Mais non, je ne suis pas plus intelligent ni heureux avec ça. Bien sûr. Je ne compte rien de faire des études, avoir du diplôme. Mais ce qui est pathétique, ce qui est problématique, c'est qu'on doit faire quelque chose sous la pression de l'extérieur ou de l'intérieur. Ça, c'est vraiment problématique. Et maintenant, j'arrive à un point important que j'aime bien vous faire attention. Parce que maintenant, comment distinguer entre une personne qui fait des études ou fait autre chose parce qu'il tient à cœur? Et il respecte les consignes de la trois portes de libération. Parce qu'on peut faire des études, les deux personnes qui font des études et pas des diplômes, mais apparemment, ils font la même chose. Mais à l'intérieur, c'est très différent. Et comment faire, comment distinguer cela? Ça, c'est un point subtil de cette démarche. Ici, on a... Je suis chez moi, je suis arrivé. La détention est dans chaque pas. Ça. Et ça, c'est ça la réponse. Si on fait quelque chose, parce qu'on tient à cœur, parce que quelque chose indispensable, utile. Mais cela ça ne devient pas un objectif, ni une obsession. Et on profite à chaque moment sur le parcours. Alors, on est toujours une personne libre dans l'action. Ce qui est important, ce n'est pas d'arriver. L'important, c'est dans chaque pas du parcours. Et c'est ça, c'est important. Là, c'est distinguer entre la personne libre et la personne qui n'est pas libre dans une action quelconque. Est-ce qu'on est libre intérieurement ou on n'est pas libre intérieurement? C'est toute la question. Des fois, le programme, voici que j'ai encore oublié à choquer des choses. Oui, dans le sutra Avatamsaka, le sujet c'est soyez vous-même. Thay a souvent dit parler de la vague. Est-ce que la vague a besoin de chercher, essayer pour devenir l'eau? Non, la vague est déjà l'eau. Pas besoin de chercher, pas l'effort sur eux-mêmes pour devenir l'eau. Il est déjà l'eau, la vague. Prenons un autre exemple. Quand on voyait une montagne, un arbre, une rose, est-ce qu'ils ont besoin de parler pour trouver sa beauté majestueuse? Non, pas du tout. Ils sont très beaux, très belles, tels qu'ils sont. Et si on ne voit pas sa beauté, la beauté, ce n'est pas par défaut, c'est parce que l'observateur est aveugle. Bien sûr, quand on voit la rose, il y a des épines aussi, mais personne n'est parfait. Mais si on ne voit pas, on ne sait pas apprécier la beauté de rose, ce n'est pas fait, ce n'est pas la faute de la rose, c'est la faute de l'observateur qui est aveugle. Donc, la troisième implication de l'apport de non-poursuite, c'est être quelqu'un, sans affaires. En vietnamien, ça veut dire vô seul. Vô, c'est dire sans seul, c'est des affaires. Souvent, on voit des photos de Thaï avec une grande calligraphie derrière, vô seul. Ça veut dire sans affaires. Si tu dis, on n'a rien besoin de faire quoi que ce soit. On est libre, on n'a pas besoin affairé pour acquérir. Parce que tout ce qu'on a besoin est déjà là, dans le moment présent. Le nirvana, c'est le moment présent. Pas dans un futur hypothétique. Et si on sacrifiait le moment présent pour un projet dans l'avenir, on perd beaucoup de choses. Dans le sutra dit aussi, il n'y a rien à atteindre parce qu'il n'y a plus de réalisation. Il n'y a rien à atteindre parce qu'il n'y a pas de réalisation à faire. Maintenant, il y a un petit train où je vais me dire que si on n'a fixé pas un but à atteindre, sommes-nous devenir quelqu'un de moins performant dans la pratique, dans notre boulot? Je peux vous dire que non. Au contraire, on ne sera plus performant. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime bien, sans pression, sans stress, sans force, sans contrainte, on gagne de l'efficacité, on gagne de l'énergie. Et j'aime bien vous raconter un autre exemple, plutôt un comme exemple de moi encore, pour prouver que on fait mieux sans contrainte, sans fixer un but. On est souvent, Bernadette et moi, souvent en vacances, dans le club, en inclusif, c'est-à-dire on fait le sport, tout est inclus. Et au moment du repas, ce sont souvent des fous-forts de buffet libre, plein de plats, appétissants, très variés. Et fait plus que moi, je suis un peu comme un gourmand, je dois reconnaître. Donc je prends juste un tout petit peu de chaque plat. Mais un tout petit peu de tout ça, c'est déjà y a beaucoup. Et moi, je ne veux pas aussi, je ne veux pas un battement de ça, comment? Avoir un gros ventre. Non, un gros ventre, c'est un brioche. Oui. Donc, je dois dire, je dois faire, je dis, devant la piscine, je dis, moi, pour éliminer tous les calories que j'ai la faiblesse d'accumuler pendant le repas, je dois faire autant de longueur de la piscine. J'ai fait une fois, trois fois, quatre fois. À une dizaine de longueurs, je suis déjà au bout du souffle. Ça ne va plus. Et ce moment-là, je rappelle l'anecdote que Thay racontait dans l'Arc de vivre. Thay a fait un pèlerinage en Chine, à Wushan. Le nom exact, c'est Wu Taishan, c'est-à-dire c'est une montagne où réside, soi-disant, le Bodhisattva de Manjushri, c'est-à-dire le Bodhisattva de la grande compréhension. Mais il y a des milliers de marches à faire. Pour aller jusqu'au sommet, il y a un grand temple au sommet. Et tout le monde marche vite, vite, vite pour arriver jusqu'au bout. Thay, il dit, c'est un certain âge, avec le monastique et avec quelques amis, dit différemment. Il reste, il fait une passe, et puis il expire la deuxième passe. Lentement, il apprécie le moment présent. Le but, ce n'est pas arriver au but, au sommet. Le but, c'est le marcher dans le moment présent. Respirer la joie, la paix dans chaque pas qu'ils ont fait. Et les gens sont vraiment surpris parce que c'est un groupe bizarre, avec un vieux moine, avec un groupe qui marque lentement, tandis que les autres courent pour arriver jusqu'au bout. Mais ils sont arrivés jusqu'au bout du souffle. Et quand ils arrivaient un peu plus tard, mais tout fraîche. Alors j'ai dit, tiens, je dois faire ça dans ma piscine. Donc je fais plus autant de longueur que je dois faire. Je ne suis pas contre l'eau de la piscine. Je suis un avec l'eau de la piscine. Je ne lutte pas contre l'eau. Je suis un avec l'eau. Et je fais tout doucement. Un longueur, trois longueurs, 10 ans. Et là, je vous assure, extraordinaire, sans fatigue. Parce que je ne suis plus sous la pression, sous la performance. Je suis uni avec ce que je fais. L'eau n'est plus mon ami. L'eau et moi, c'est un. C'est extraordinaire. Ah, j'ai déjà l'heure. Mais pour terminer, je vous propose une petite pratique personnelle que je fais chez vous. Parce que c'est très facile d'écouter, mais sans pratique, vous faites la même erreur que moi. Donc, il faut appliquer ce que vous écoutez. De la non-poursuite, la troisième part. La première chose, c'est que vous devez choisir quelque chose que vous devez faire absolument. Pas trop compliqué, mais vous n'aimez pas trop. C'est du jardinage, ou je ne sais pas moi, faire la vaisselle, ou faire un rapport à faire, quelque chose comme ça. Pas trop compliqué, mais vous n'aimez pas trop à faire. Choisissez ça. La première chose. La deuxième chose, c'est que vous donnez un peu plus de temps que nécessaire pour faire ce genre de choses. Si ça normalement, si ça demande 10 minutes, vous dites un quart d'heure. Et puis, à un moment venu, vous faites ce que vous comptez faire, mais sans fixer, sans obséder l'arrivée. Mais faites, on appelle ça en plein conscient, avec tout votre cœur, avec tout votre être. Je vous rassure que vous terminez bien avant ce que vous pensez, et avec beaucoup de facilité. Parce que vous faites ça avec votre cœur, sans contrainte, sans lutte, en pleine conscience. Et pour terminer, j'aime bien vous, si vous avez encore le temps, parce que j'aime bien terminer ça avec une expérience bouleversante que j'ai vécue quand je fais le pèlerinage en Inde avec les monastiques du village. Donc avec Sharon, qu'on était là, sur place, ici. Donc on a fait un pèlerinage sur les endroits qui a vécu le Bouddha. L'endroit où il est né, l'endroit où il est atteint de l'éveil, l'endroit où il arrive à donner le premier serment, et l'endroit qui entrait dans la Paranirvana. Et dans ce dernier endroit, c'est un temple avec une Bouddha couché, une très longue statue, où c'est pour entrer dans le Paranirvana. Et les gens mettent des tissus sur le corps, sur la statue, pour, je ne sais pas, c'est pour peut-être bénéficier de l'énergie du Bouddha. Et subitement, je sens quelque chose de indescriptible en moi. Et je m'assois pour vivre ce moment précieux. Et ma foi, J'ai les lacs qui coulent. Un homme qui s'unite, nu que moi, avoir des larmes, pour moi, c'est quelque chose. Pas souvent, pas arrivé souvent. Mais là, ce sont des lacs de liberté qui coulent. Et dans un éclair, je me vois tout nu. Je vois ce que j'ai fait jusqu'à là, voilà. Sans artifice, mon armure est tombée. Pourquoi ce que tout que je fais, ce n'est comme je suis un mendiant d'estime, d'amour, de compliments. J'essaie toujours d'être quelqu'un autre que moi-même. Et dans un éclair, je vois ça. Cet effort-là, c'est tellement futile. Et ça, c'est vraiment une porte de libération. À ce moment-là, je comprends. Quoi. Et je comprends avec tous mes cellules que tout ça, ça ne vaut pas la peine de le faire. On est libre. C'est une fardeau extraordinaire que j'ai déposée au pied du Bouddha. Donc, en conclusion, soyez être vous-même. Vous êtes tellement beau, tellement belle comme ça. Mais surtout, pas ne transformez pas votre vie comme un champ de bataille, comme un champ de lutte. Ça ne vaut pas la peine. Soyons. Profitez le moment présent. Ici et maintenant. On n'a rien prouvé. Merci. Merci pour l'écoute. Prendre quelques instants pour un petit peu pour la suite du programme. Tout d'abord, merci beaucoup à nos enseignants pour vos sagesses, vos enseignements, vos anecdotes, vos erreurs. Et voilà, je pense que on peut aussi féliciter nos deux enseignants qui enseignent pour la première fois. Et soutenu vivement par la Sangha et par Jean-Pierre, ce sont les trois mousquetaires, ça il faut savoir, ils se connaissent depuis 30 ans au village de Prunier. Les trois dragons. Voilà. Donc c'est merveilleux d'entendre les trois portes de libération avec nos enseignants, merci beaucoup.